Ceci étant dit, bismillahirrahmanirrahim. Le cheikh Ahmed Badoukhon, hafidhahullah ta'ala, dans sa conférence qu'il nous a fait l'honneur de nous accorder, de nous octroyer, hafidhahullah ta'ala, dans l'assise d'hier, a abordé la notion de la repentance et la notion de ses conditions, des conditions de validité de la repentance, ainsi que certaines de ses règles. Et donc il mentionna que c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup à dire, mais qu'il ne compte aborder dans cette allocution que ce qui est primordial de mentionner. Parmi les enseignements bénéfiques que le cheikh a mentionné, hafadahullah, le fait que la repentance fait partie des actes les plus nobles et des adorations les plus obligatoires. En effet, il mentionna une parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui rapporta l'ijma, c'est-à-dire l'unanimité, le consensus des ulémas, concernant le fait que la repentance à l'égard de tout péché est une obligation. Et donc tout être humain, à un moment donné de sa vie, va être amené à désobéir, que cela soit par une désobéissance par l'accomplissement d'un interdit ou par le délaissement d'une obligation. Et seuls les prophètes et les messagers, alayhim salatu wassalam, sont préservés des grands péchés. Et donc, à part les prophètes et les messagers, quelle qu'en soit la piété qu'atteint un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, il ne sera pas préservé de tomber dans le péché. À un moment donné, il va être, à un moment donné de sa vie, amené à tomber dans un péché. Et donc, dès lors qu'il accomplit ce péché-là, la repentance à l'égard de ce péché est une obligation. Et donc, connaître les règles de la repentance est une obligation, sans aucun doute. Et Allah a ordonné et a donc invité et a appelé ses serviteurs à la repentance. Et il mentionna à cet effet le verset de Sourate An-Nur, verset 31, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset dans le sens en français le suivant: « Et repentez-vous tous devant Allah, ô vous qui avez cru, afin que vous récoltiez le succès. » Et il mentionna également le verset de Sourate Ali Imran, le verset 135, dans lequel Allah a décrit les muttaqun, c'est-à-dire ceux qui sont des serviteurs pieux, obéissants envers Allah et qui craignent et qui redoutent Allah, qui sont sur la taqwa. Et donc Allah les a décrits, bien que ce soit des gens qui seront des habitants du paradis, il les a décrits comme étant faillibles, c'est-à-dire sujets à l'accomplissement du péché. Mais ils ont une attitude avec le péché, c'est-à-dire que dès qu'ils l'accomplissent, ils s'en repentent. En effet, Allah a dit, selon le sens en français, « Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, c'est-à-dire en désobéissant à Allah, se rappellent Allah et alors demandent le pardon pour leur péché. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ?» Donc, dans ce verset, il y a eu plusieurs termes qui ont été utilisés. Donc, fa'alu fa'ahisha. S'ils font une turpitude, ils accomplissent un péché de l'ordre de la turpitude. Aw dhalamu anfusahum. Ou s'ils se causent du tort à eux-mêmes. Donc, toute forme de désobéissance à l'égard d'Allah est une forme de tort que l'on se fait à soi-même. Pourquoi ? Le cheikh a expliqué car dès lors que le serviteur désobéit à Allah, alors il s'est fait du tort à lui-même. Car il, en accomplissant ce péché, cette désobéissance, il a exposé sa propre personne au châtiment d'Allah. C'est-à-dire qu'il se met dans une situation où il risque d'être atteint par le châtiment d'Allah. Donc en vérité, il se fait du tort à lui-même. Et il mentionna le verset de Surat At-Talaq, le verset 1, qui soutient ce sens. En effet, Allah a dit dans ce verset-là, dans le sens en français, « Et quiconque outrepasse les limites établies par Allah, s'est certes fait du tort à lui-même. » Donc le cheikh a expliqué que les serviteurs, s'ils commettent un péché, ils se rappellent Allah et demandent ensuite le pardon pour leur péché. Non. Et ensuite, dans le verset suivant, le verset 136, Allah mentionne « Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. » Donc on voit que ces gens qui ont été décrits de la sorte, comme quoi ils tombent dans des péchés, ce sont eux qui habiteront le paradis. Ils seront malgré tout des habitants du paradis. Et ce sont les muttaqun, les gens de piété. Mais bien qu'ils tombent dans le péché, ils s'en repentent immédiatement. Ils se rappellent Allah, ils se rappellent qu'Allah les observe et les contemple. Et alors ceci suscite en eux le fait de se repentir. Et donc le croyant, même pieux, à un moment donné de sa vie, il va tomber dans le péché. Mais même s'il tombe dans l'accomplissement du péché, il s'en rend coupable. Il s'en repent directement. Et donc le croyant à la foi forte, dont le cœur est empli de piété, se remet souvent en question, fait sa propre introspection, se remet en question et se réforme. Il mentionna la narration de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans laquelle il avait mentionné la relation qu'entretient le croyant avec les péchés et la relation qu'entretient l'hypocrite avec les péchés. Et il les décrivit de la sorte, en mentionnant, radiallahu anhu, que le croyant, vis-à-vis du péché, considère son péché comme une montagne qui est prête à s'écrouler et à tomber sur lui. Tandis que l'hypocrite, dans la manière dont il considère ses péchés, il considère son péché de manière négligente, c'est-à-dire à l'image d'une mouche qui se pose sur son nez et qui le repousse du revers de la main. Donc, Cheikh Ahmed Badoukhoun, après avoir mentionné cette narration de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a expliqué que donc le croyant, lui, concernant le péché, il est apeuré, il est terrifié, il est angoissé, il est soucieux à l'égard du châtiment et de la conséquence de son péché. Tandis que l'hypocrite, pour lui, le péché est aisé, c'est quelque chose de simple, de facile, qui ne pèse pas sur son cœur ou sa conscience. Et il néglige énormément le péché. Il le sous-estime et le mésestime énormément. Non. Et donc le cheikh, hafidhahullah ta'ala, a ensuite mentionné le verset de Surat al-Baqarah, le verset 222, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs parmi ceux qu'il aime. Et Allah y a mentionné dans le sens en français, et Allah aime ceux qui se repentent abondamment. Non. Allah aime ceux qui se repentent abondamment. C'est-à-dire, dans ce verset, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il y est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il aime ceux qui se purifient, ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et dans un aspect de la linguistique, ce n'est pas n'importe quel terme qui a été utilisé. En effet, il n'a pas été dit que Inna Allah yuhibbu ta'ibin. Yani qu'Allah aime certainement ceux qui se repentent. Il a été dit Inna Allah yuhibbu tawabin. C'est-à-dire que certes, Allah aime ceux qui se repentent abondamment. C'est ce qu'on appelle siratul mubalara. C'est un terme qui apporte une emphase sur l'aspect répétitif de leur acte. C'est-à-dire qu'ils se repentent abondamment, avec abondance, de façon fréquente. Et donc les serviteurs se remettent en question et se repentent fréquemment. Ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de leur déficience dans leur manifestation de gratitude à son égard pour les bienfaits dont il leur a fait don et dont il leur permet de jouir. Et ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala également pour la déficience concernant le rappel d'Allah, c'est-à-dire leur faiblesse et leur manquement dans le fait de s'adonner au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus lorsqu'il s'agit des péchés dont ils se repentent et pour lesquels ils demandent le pardon d'Allah. Et Cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah ta'ala, avait mentionné une narration des pieux prédécesseurs dans ce sujet-là, dans le sens où ils avaient dit, rahimahumullah, que personne ne peut s'acquitter de son devoir envers Allah. Alors, soyez au matin repentant et soyez au soir repentant. Cheikh Ahmed Badoukhoun expliqua que donc il n'est pas possible pour le musulman lambda, c'est-à-dire celui qui n'est pas un prophète ou qui n'est pas du nombre des messagers, de pouvoir s'acquitter de l'adoration d'Allah de la manière la plus parfaite en toutes circonstances et en tout moment. Ceci est impossible. Donc il va y avoir des manquements à un moment donné. Donc de ce fait, la repentance est de mise. Donc dans le cas où on est déficient dans la reconnaissance envers Allah pour les bienfaits dont il nous a fait don, on se repent et on demande pardon. Ou dans ce qui est relatif au manquement, dans l'accomplissement et dans le fait de s'acquitter des obligations religieuses, on se repent et on demande pardon. Ou vis-à-vis de l'accomplissement des péchés, que ce soit des grands péchés ou des petits péchés. On se repent et on demande pardon. Donc le croyant, après le péché, peut être amené à se repentir, et donc il sera, s'il a été sincère dans sa repentance, il deviendra meilleur. C'est-à-dire qu'il sera meilleur après sa repentance. Ça, c'est s'il se repent d'une repentance sincère et véridique. Et ceci est un signe de la véracité de sa repentance, dans le sens où il devient meilleur par la suite. Et donc, parmi les signes de la sincérité dans la repentance, qu'il soit apeuré, craintif et soucieux, et qu'il regrette d'être tombé dans le péché. Et il mentionna une narration d'un des pieux prédécesseurs de cette communauté, dans laquelle il avait dit « Le regret du repenti est plus aimé d'Allah que l'adoration accomplie par celui qui est imbu de sa propre personne. » Mais le cheikh expliqua que pour que la repentance soit valide et qu'elle soit acceptée, alors elle doit être conforme. C'est-à-dire qu'elle doit être conforme et respecter des conditions préalables, des conditions qui sont prérequises et qui sont des conditions de validité. Et elles sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et donc celui qui se repent et dont la repentance respecte les conditions de validité, alors il est comme s'il n'avait pas de péché. Et il mentionna 5 conditions de validité de la repentance. Et ensuite, il les détailla quelque peu. Donc les 5 conditions qu'il mentionna sont les suivantes. La première est la sincérité. La première est la sincérité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration qui est la repentance. La deuxième condition, le fait que cette adoration soit accomplie dans les temps dans lesquels elle est encore acceptée. Troisièmement, le délaissement du péché en question, c'est-à-dire le délaissement concernant l'accomplissement du péché dont on se repent. Quatrième condition, le regret, c'est-à-dire le regret sincère vis-à-vis de l'accomplissement du péché en question, du péché dont on se repent. Cinquième condition, la ferme résolution envers le fait de ne pas réitérer ce péché, c'est-à-dire de ne pas recommencer l'accomplissement de ce péché. Ensuite, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, dans son allocution, avait mentionné, donc la première condition, il l'aborda en détail, concernant l'ikhlas, la sincérité, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration qu'est la tawbah. Et il expliqua que cette condition est une condition de validité de l'ensemble des autres actes d'adoration. Tout acte d'adoration dont l'accomplissement est recommandé ou obligatoire, c'est une condition de validité pour qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala que cet acte d'adoration soit accompli avec sincérité envers lui, c'est-à-dire ne désirant que sa satisfaction à lui, subhanahu wa ta'ala. Et il réitéra la mention du verset de Surat Nur, le verset 31, dont le sens en français est le suivant, « Et repentez-vous tous à Allah, ô vous qui avez cru, afin que vous obteniez le succès. » Donc c'est une adoration qui a été ordonnée par Allah, donc la tawbah étant une adoration, elle doit être vouée à Allah. Donc on doit être sincère envers Allah et accomplir la repentance pour Allah, par peur de son châtiment. Et si ce n'est pas sincèrement voué à Allah, alors ceci n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de la repentance qui émane de certains parmi les Nasara, parmi les membres de la communauté chrétienne, qui se repentent en cherchant à se rapprocher de leurs prêtres, de leurs dignitaires religieux et de leur pape, qu'ils adorent et qu'ils érigent comme des divinités avec Allah. Ou également comme la pratique que l'on retrouve chez certains membres de certains groupes sectaires extrémistes soufis. Et donc le croyant musulman monothéiste, il se repent envers Allah, il se repent pour Allah, non pas pour obtenir un rang ou préserver un rang ou un statut social, ou pour se préserver du blâme des gens. Non, il le fait pour Allah. Ensuite, le cheikh vient à expliquer la deuxième condition d'acceptation de la tawbah, de la repentance, c'est que la tawbah survienne durant le temps d'acceptation, c'est-à-dire durant le temps où elle est encore acceptée. Car le cheikh va faire la mention de temps dans lequel la tawbah n'est plus acceptée. Et il expliqua que donc la repentance est acceptée dans un point de vue individuel par l'individu, vis-à-vis de l'individu, si cette repentance émane de sa part durant son temps de vie, c'est-à-dire durant le temps où il est encore vivant et qu'il n'est pas encore moribond, qu'il n'est pas encore عند الغرغرة, c'est-à-dire lors de l'agonie, lorsque l'âme s'apprête à sortir de l'organisme, lorsque l'âme s'apprête à quitter le corps. Et il mentionna un verset de Surat An-Nisa, le verset 18, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de la tawba du moribond, c'est-à-dire de celui qui s'apprête à mourir, dont l'âme s'apprête à quitter le corps, et Allah y fit la mention que la repentance n'est plus acceptable à ce moment-là. Il mentionna subhanahu wa ta'ala dans le verset dont le sens est le suivant, en français, mais l'absolution, c'est-à-dire le pardon du péché, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrit « Certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. » Donc celui qui s'apprête à mourir, dont l'âme s'apprête à quitter le corps, s'il se repent à ce moment-là, sa repentance n'est plus une repentance qui émane de son choix, et c'est parce qu'il y est contraint, en quelque sorte, parce qu'il sait qu'il va mourir. Et donc de ce fait-là, cette tawbah-là n'est pas valide, elle n'est pas acceptée. Et il mentionna, afin de renforcer ce sens-là, un hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, dans lequel le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, avait dit « Allah accepte la repentance de l'individu tant qu'il n'agonise pas, tant qu'il n'est pas moribond, tant qu'il n'est pas dans un état où son âme s'apprête à quitter son corps. » Non. Ensuite, le cheikh mentionna un autre aspect concernant un des temps dans lequel la tawbah n'est plus acceptée, c'est-à-dire le fait que la tawbah doit survenir avant le lever du soleil de son couchant. Et ça, c'est un des signes majeurs de la survenue de la fin des temps. Et justement, suite à la survenue de ce signe majeur de la fin des temps, annonciateur de la fin des temps, la tawbah ne sera plus acceptée. Et il argumente cela avec le verset 158 de Sourate Al-An'am. Dans le verset dans lequel Allah a dit, selon le sens en français, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de par sa croyance. Donc, c'est-à-dire que le cheikh argumente en expliquant que suite à la survenue de ce péché, de ce signe majeur de la fin des temps, la repentance ne sera plus acceptée. La repentance ne sera plus acceptée. Note du traducteur. Un de mes chouyours, Cheikh Khalid Adhafiri, hafidhahullah, avait mentionné dans une de ses khutbah, dans un de ses sermons, que justement, suite à la survenue de ce signe majeur annonciateur de la fin des temps, le kafir qui voudra se convertir ne le pourra pas. Il ne pourra pas se repentir de la mécréance sur laquelle il était et devenir musulman. Et le musulman qui était coupable d'un grand ou de petit péché qui souhaiterait s'en repentir ne pourra pas. Il ne pourra plus car la porte de la repentance a été fermée. Fin de parenthèse. Et donc je reviens dans la traduction au propos de notre noble cheikh Ahmed Badoukhan, hafidhahullah, dans son allocution qu'il a faite hier. Et donc il apporta une emphase et il étaya son propos avec un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il avait mentionné alayhi sallallahu alayhi wa sallam que l'émigration, c'est-à-dire l'hijra, l'émigration n'aura de cesse, elle ne cessera pas, tant que la repentance ne cessera pas. Et la repentance ne cessera pas tant que le soleil ne s'élèvera pas de son couchant. C'est-à-dire ce que l'on déduit du hadith, c'est que lorsque le soleil s'élèvera de son couchant, la repentance cessera. Non. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et c'est rapporté dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qui fut recensé dans le Sahih de l'imam al-Bukhari ainsi que dans le Sahih de l'imam muslim, que lorsque les gens verront les signes, ils croiront tous, mais ce signe ne bénéficiera en rien à une personne n'ayant pas cru auparavant. Ceci était concernant la deuxième condition. La première condition était la sincérité. La deuxième condition de validité de la repentance était que la repentance survienne et ait lieu et émane du serviteur durant le temps dans lequel l'acceptation est encore possible. C'est-à-dire l'acceptation de cette adoration qu'est la taube. Troisième condition, le délaissement du péché. Le délaissement du péché, Cheikh Ahmed Badoukhoun apporta certains éléments supplémentaires à cette explication. C'est-à-dire le fait qu'il expliqua que c'est le délaissement du péché et le fait de rompre les liens relatifs à ce péché. Car la tawbah, c'est al-rujur, le fait de revenir, c'est-à-dire de se rétracter d'un péché et de revenir vers la droiture, dans le sens. Et ça implique le délaissement du péché, le fait de s'en écarter et de s'éloigner de ce péché. Et de rompre avec les voies qui mènent à l'accomplissement de ce péché. C'est-à-dire les voies qui mènent à l'accomplissement et qui incitent le serviteur à tomber dans la désobéissance. Donc celui qui se rompt avec sa langue et avec son cœur, mais qui persiste et qui s'entête et qui continue dans son même péché, sa repentance est mensongère. Puis il expliqua à Nadan, la quatrième condition de validité de la repentance, c'est qu'il doit regretter, ça doit avoir le regret sincère. Et c'est une condition importante, et c'en est une des plus importantes. En effet, il mentionna un hadith dans lequel le prophète والسلام, avait dit que certes le regret, c'est la repentance. C'est-à-dire, ce qui doit être compris, c'est que l'essence même de la repentance, c'est le regret. Et Cheikh Ahmed Badoukhan, hafidhahullah, expliqua que certains de nos jours se repentent, mais n'éprouvent aucun regret. En vérité, ce n'est pas une repentance. Ce n'est pas une repentance. C'est une repentance qui n'est pas validée, qui n'est pas acceptée. La personne qui, soi-disant, se repent d'un péché, mais qui ne regrette pas sincèrement et amèrement son accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement de ce péché duquel il se repent, cette personne ne s'est pas repentie avec les conditions de validité de la repentance. Et donc sa repentance n'est pas valide, elle n'est donc pas acceptée. Et il étaya son propos avec le verset numéro 110 de Sourate At-Tawbah. Pour une mise en contexte, ce verset fait référence à l'acte des hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait érigé une mosquée, non pas pour Allah, non pas pour obtenir le paradis, mais qui avait érigé une mosquée dans le but de lutter contre l'islam, afin de lutter contre Allah et son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et afin de lutter contre les musulmans croyants. Donc afin de causer du tort aux musulmans. Et donc Allah, concernant cet édifice, Allah a mentionné dans le verset dans le sens en français le suivant, « La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se déchire, c'est-à-dire que leur cœur se fende. Et Allah est omniscient et sage. » Qu'est-ce que veut dire ce verset? Le cheikh Ahmed Badoukhoun apporta éclaircissement concernant la compréhension de ce verset par la mention d'une narration d'Ibn al-Qayyim, dans laquelle il fit la mention du tafsir de Ibn Uyayna concernant ce verset. C'est-à-dire que ce péché-là dont ils se sont rendus coupables, il n'aura de cesse de leur être inscrit à leur encontre jusqu'à ce que leur cœur ne se fende par le regret et qu'ils se repentent. Et donc, le serviteur, dans la relation qu'il a avec le péché dont il s'est rendu coupable, c'est qu'il doit méditer sur la grandeur d'Allah. Il doit méditer vis-à-vis de la grandeur d'Allah et sa bienfaisance envers lui. Et ceci va le pousser à se repentir envers Allah, subhanahu wa ta'ala, à revenir repentant vers lui. Il mentionna, afin d'éclaircir son propos, le athar, la narration de Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, dans laquelle il avait dit « Ne considère pas la petitesse de ton péché, mais plutôt considère la grandeur de celui auquel tu as désobéi. » Et donc, l'individu ne doit pas se dire « Allah est pardonneur, ce péché est moindre, c'est un péché véniel. » Il ne doit pas se chercher des excuses ou chercher à se légitimer en disant qu'il vit dans une société dans laquelle il y a des mœurs qui sont enclines vers ce péché et que c'est difficile de s'écarter de ce genre de péché et de ne pas tomber dans leur accomplissement dans une société qui est celle dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Il ne doit pas se légitimer ou se justifier de la sorte. Mais plutôt, il doit méditer vis-à-vis de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditer vis-à-vis de la perfection de ses noms, vis-à-vis de la perfection de ses attributs, et de méditer vis-à-vis de la bienfaisance d'Allah à son égard, par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur, il est celui qui lui a donné la vie, qui lui a accordé la subsistance, et jusqu'à présent, il continue de jouir et de bénéficier des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard. Et il donna un exemple afin d'éclaircir son propos, en donnant un exemple avec la situation entre êtres humains. Par exemple, si tu viendras à désobéir à ton père ou à ton professeur, qui est quelqu'un qui est un bienfaiteur à ton égard, qui est bienfaisant à ton égard, et dont tu bénéficies. Si tu viendras à manquer à tes devoirs envers lui, tu viendras lui désobéir et à transgresser à son égard, et à agir de manière transgressive à son encontre. Tu deviendras alors soucieux, angoissé, apeuré, soucieux de rectifier ta relation avec lui, soucieux de réformer ta relation avec lui, soucieux de faire amende honorable et de rectifier ta situation et d'améliorer ta situation envers lui. Qu'en est-il quand tu désobéis à ton Créateur? Non. Ensuite, la cinquième condition que le cheikh expliqua, c'est la ferme résolution envers le fait de ne pas retourner, c'est-à-dire de ne pas réitérer l'accomplissement de ce péché. Et il mentionna que certains individus renoncent momentanément au péché, non pas par crainte d'Allah, mais parce que les circonstances ne s'y prêtent pas, c'est-à-dire que les circonstances ne se prêtent pas à l'accomplissement du péché. Alors ils procrastinent, c'est-à-dire qu'ils remettent à plus tard l'accomplissement du péché. Donc ils ne se sont pas repentis en vérité. Ils délaissent momentanément le péché, mais avec la prévision et l'envie de et l'intention de réitérer ces péchés-là dans le futur. Il donna l'exemple de certains musulmans durant Ramadan. Durant Ramadan, certains musulmans délaissent le péché durant la période de Ramadan, car la période ne s'y est pas à certains péchés. Ils ne sont pas dans des circonstances propices, entre guillemets, afin qu'ils puissent pécher tranquillement. Donc, ils procrastinent l'accomplissement de leur péché. C'est-à-dire qu'ils remettent à plus tard. Ils attendent la fin de Ramadan pour recommencer et retourner à leur péché. Ceci n'est pas une repentance. Et donc la repentance, ça se concrétise par le fait d'avoir la ferme résolution de ne pas réitérer, de ne pas retourner, de ne pas recommencer ce péché. Il était à son propos, hafidhahullahu ta'ala, avec la mention d'un hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna trois éléments qui, s'ils se réunissent, se retrouvent réunis au sein d'un serviteur, alors il percevra et parviendra à la saveur de la foi. Le premier élément qu'il mentionna, alayhi salatu wasalam, c'est le fait qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque. Deuxième élément, qu'il aime un individu mais ne l'aimant que pour Allah. Troisième élément, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait fait sortir, comme il détesterait être jeté au feu. Ensuite, le shir argumenta et clarifia ce sujet-là en mentionnant une narration d'Ibn al-Qayyim, dont je donne le ma'ana, c'est-à-dire le sens approximatif, étant donné que cette narration était assez longue. Et le shir a expliqué, hafidhahullah, par la mention du athar de l'imam Ibn al-Qayyim concernant le fait qu'Allah était at-tawwab, c'est-à-dire le grand accueillant au repentir. Et dans la relation qu'Allah a avec son serviteur, qui lui se repent, ceci va se manifester dans le sens où le serviteur se repent vers Allah, et Allah accepte sa repentance. Et le fait qu'il ait pu se repentir, ceci vient d'Allah. C'est-à-dire, le fait que Allah a accordé la réussite à son serviteur de pouvoir se repentir. Et une fois qu'il s'est repenti, Allah alors accepte sa repentance. Et justement, Cheikh Ahmed Badouhoun, Après avoir mentionné ce passage d'un des livres d'Ibn al-Qayyim, avait expliqué qu'en effet, certaines personnes sont dans le péché, souhaiteraient et désireraient pouvoir se repentir, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Car le succès ne leur a pas été accordé vis-à-vis du fait de pouvoir concrétiser la repentance. Et Allah accorde la réussite à qui il veut et à celui qui a en lui un réel désir envers la droiture, la repentance et le délaissement du péché. Et il argumenta son propos avec le verset numéro 23 de Sourate Al-Anfal. Dans le verset dans lequel Allah a dit, selon le sens en français, et s'ils avaient reconnu, et si Allah avait reconnu en eux quelconque bien, il aurait fait qu'ils puissent entendre. Et le sens de qu'ils puissent entendre, note du traducteur, si vous consultez le tafsir de l'imam al-Baraoui, il disait, c'est-à-dire le fait d'entendre et de comprendre la vérité. Non. Fin de parenthèse. Et donc, Cheikh Ahmed Badouchon Hafadahullah expliqua que celui qui persiste dans le péché, c'est-à-dire qui commet le péché, qui persiste et s'entête dans l'accomplissement du péché, et qui est ardent dans son attachement et son lien avec le péché, et qui est constant dans l'accomplissement de ce péché, en général, Allah ne lui accorde pas le succès vers la repentance. Et donc, c'est parce que c'est quelque chose qu'il y a dans son cœur. Et il illustra cela par le verset de Sourate Al-Baqarah. Et dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah fait croître cette maladie. Ensuite, il argumenta également concernant la conséquence des péchés. C'est-à-dire que lorsque le serviteur dévie, se détourne de la droiture et se laisse aller au péché, il peut subir les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, il mentionna le verset de Sourate As-Saff, verset numéro 5, dont le sens en français est le suivant: Puis quand ils dévièrent, Allah fit alors dévier leur cœur. Le cheikh expliqua ce verset en mentionnant que, c'est-à-dire qu'une fois que les cœurs de certains de ses serviteurs se sont détournés de l'obéissance, qui se sont détournés de l'obéissance, se sont détournés de la droiture et ont privilégié l'égarement et le péché à la droiture, Allah écarta leur cœur de la droiture. Et il illustra son propos, hafidhahullah ta'ala, avec la mention du verset 110 et 111 de Sourate Al-An'am, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens en français, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, et si leur mort leur parlait, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Et donc, cher Ahmed Badouchon, hafidhahullah, a expliqué que donc, si ces gens-là se sont détournés de l'obéissance, de la droiture et se sont entachés du péché, Allah détourne alors leur cœur et les laisse s'empêtrer dans l'égarement, c'est-à-dire qu'Allah les abandonne à leur sort. Ceci est pour celui qui a accompli le péché, aime le péché, persiste sur son accomplissement, s'obstine dans son accomplissement et ne désire pas la repentance. Allah alors l'abandonne. Donc la repentance pour ce genre d'individu est une des choses les plus ardues et les plus difficiles à accomplir. C'est une des choses les plus difficiles pour ce genre de serviteur. Et ça, c'est une conséquence des péchés. Et donc, parmi les conséquences des péchés, le fait qu'Allah n'accorde pas la réussite à ses serviteurs envers la concrétisation de la repentance. Donc, il expliqua qu'il faut impérativement que l'on implore et que l'on abonde dans l'imploration et dans l'invocation d'Allah, dans le fait de lui demander de nous accorder la repentance, de nous repentir et de nous permettre de nous repentir. Et il mentionna le hadith concernant une anecdote qui survient entre Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, dans lequel il est rapporté qu'Abu Bakr as-Siddiq va auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, et le sollicita afin qu'il lui enseigne une invocation qu'il ferait. Et le prophète, sallallahu alayhi wasalam, l'instruisit, sachant que, pour remise en contexte, comme le cheikh l'a mentionné, Abu Bakr as-Siddiq est le meilleur être humain qui a foulé cette terre après les prophètes et les messagers, alayhi salatu wasalam. Et donc, l'invocation que le prophète sallam lui enseigna était la suivante, en français, dont le sens en français est le suivant: Ô Allah, je me suis certes fait du tort à de multiples reprises. Ou, dans une autre version, je me suis certes fait un grand tort. Je me suis certes porté un grand préjudice à moi-même. Et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi donc d'un pardon de ta part et fais-moi donc miséricorde. Tu es certes le grand pardonneur et le très miséricorde. Et Parmi les éléments bénéfiques qui furent mentionnés par notre cher Ahmed Badrouchan dans la locution d'hier, le fait que si le serviteur se repent, par la suite, le fait qu'il ait réussi à se voir accorder de la part d'Allah le succès dans la concrétisation de la repentance, il doit par la suite ne pas s'en vanter. Il ne doit pas devenir imbu de sa personne. Ne doit pas se laisser leurrer et induire en erreur de par sa bonne œuvre. Mais il n'a de cesse de se remettre en question, à faire son introspection et à se remettre en cause. Et il mentionna une narration d'Ibn al-Qayyim sur la repentance, dont je transmets le sens résumé. En effet, Ibn al-Qayyim avait expliqué, rahimahullah, dans cette narration, dans son livre Madarij al-Salikin, que c'était un devoir pour le serviteur, envers son Seigneur, c'est un droit d'Allah sur lui, et donc un devoir à l'égard de son Seigneur, qu'il a de se repentir. Il doit se repentir de toute désobéissance qu'il a commise et qu'il a accomplie à l'égard de son Seigneur. Mais il faut qu'il sache que même si c'est un devoir dont il se doit de s'acquitter vis-à-vis d'Allah, il n'est pas certain concernant la perfection de son accomplissement. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sûr que l'adoration qu'est la repentance, il l'a accomplie de la manière qui s'y est. Et donc il n'est pas certain concernant son absolution. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain concernant le fait est-ce que oui ou non il a été absous de ses péchés, est-ce que ses péchés ont été pardonnés. Il ne sait pas. Donc il doit sans cesse se remettre en question et redouter qu'il ait été déficient dans son adoration qu'est la Tawba. Et le cheikh Ahmed Badrouchan aborda certains points par rapport au fait que certaines personnes se repentent, mais se repentent pour autre qu'Allah, dans le sens où ils se repentent pour préserver un statut social, ou par le fait qu'ils ont une crainte d'être privés de bienfaits. Ou des fois, c'est par rapport au fait qu'ils délaissent un péché, ils y renoncent par leur faible envie qu'ils éprouvent envers ce péché. Ou par la crainte des conséquences et des répercussions de ce péché sur leur état de santé. Ou par la crainte de ce qui découle de ce péché par l'oubli de la science, ou de perdre la baraka dans certains aspects. Ceci est une déficience dans la tawba. Et Cheikh Al-Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah avait mentionné que parmi les signes manifestes de la tawba sincère, c'est que le serviteur, après cette tawba, il est meilleur qu'avant. C'est-à-dire qu'avant qu'il accomplisse cette tawba, il devient meilleur par la suite. C'est-à-dire qu'il est meilleur par la suite, après l'accomplissement de cette tawba. Son état, suite à la tawba, est meilleur que celui sur lequel il était avant d'accomplir cette repentance. Et que donc, parmi les signes de la sincérité de la tawba, le fait qu'il soit craintif, qu'il soit soucieux envers son péché, qu'il soit pris de regret, et qu'il soit craintif. Non. Ensuite, le cheikh hafidhahullah ta'ala a fait la mention de conditions supplémentaires. C'est-à-dire que dans le cas où la personne se repent d'un péché, mais d'un péché qui a impliqué le fait de léser autrui, c'est-à-dire c'est une transgression à l'égard et à l'encontre d'autrui. Donc là, il ne suffit pas de demander pardon, de regretter, d'être sincère, de faire l'istighfar, mais il faut dédommager la personne. Soit obtenir de sa part que la personne nous pardonne, ou alors soit dédommager la personne en question et obtenir son pardon. Pardon, dédommager cette personne et réparer le tort causé. Et il mentionna un hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: quiconque a commis quelconque préjudice à son frère, qu'il règle cela aujourd'hui, avant que ne survienne un jour dans lequel il n'y aura nul dinar ni dirham, mais ce seront plutôt les bonnes et les mauvaises actions. Note du traducteur. Ce hadith fait référence au fait que Yom al-Qiyamah, la manière dont les gens régleront leurs litiges seront par le fait de se dédommager mutuellement, soit par le fait de donner de leurs bonnes actions à ceux qu'ils auront lésés et à l'égard de ceux contre qui ils ont transgressé, en guise de dédommagement, ou s'ils n'ont pas de bonnes actions à leur donner, alors ils recevront de leur péché, en guise de dédommagement pour le tort commis. Et le cheikh a expliqué également concernant la repentance, concernant le mubtadi', l'innovateur, sahibu bid'ah. Donc l'individu qui a été parmi les gens de l'innovation, il ne doit pas se contenter de juste de se repentir comme ça. Il doit clarifier. Il doit clarifier sa repentance et éclaircir aux gens l'égarement sur lequel il était. Il ne doit pas se contenter de juste dire « je me suis repenti ». Et les adeptes de la sunna vont être méfiants à son égard. C'est-à-dire qu'ils vont regarder est-ce que sa repentance est véridique ou non. C'est-à-dire est-ce qu'il est véritablement repentant. Non. Dans le sens par rapport à ce qu'il va manifester de lui, bien entendu, ce qui est dans le cœur n'est pas perceptible par les êtres humains. Non. Et donc le cheikh, avec ceci, avait fait la conclusion de cette assise, de cette allocution, hafidhahullah ta'ala. Et nous nous arrêtons là donc, dans cette traduction modeste et résumée des propos de notre noble cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah ta'ala, dans les propos qu'il a tenus dans l'allocution qu'il nous a fait l'honneur de nous accorder hier dans la soirée concernant la repentance, ses conditions et certaines de ses règles. Je vous annonce que l'explication qu'il avait faite la semaine dernière concernant l'épître de Cheikh Mohamed Mandelhab Shurut au Salah Arkan wa Wajibatuha, concernant les conditions de validité de la prière, ses piliers et ses obligations, la traduction de cette épître avec les explications du Cheikh aura lieu la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc nous nous donnons rendez-vous bi'idhnillah la semaine prochaine. Et si vous avez des questions à poser au Cheikh Hafidhahullah, n'hésitez pas à nous contacter à travers différents réseaux sociaux du Merkez de l'Imam Al-Shafi'i, à travers la page Telegram ou à travers le compte Twitter et ou Instagram, afin que vos questions soient transmises au Cheikh. Dans ce qui vous a peut-être posé un problème en termes de compréhension, et si vous avez besoin d'un quelconque éclaircissement, c'est l'occasion justement de revenir aux gens de science afin d'obtenir des éclaircissements de gens qui sont reconnus pour leur science et leur rang dans le monde scientifique. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته